avait pris comme un arrière-goût. J'aurais voulu qu'on reste amis, au moins qu'il n'y ait pas de haine, qu'on puisse encore se regarder, se parler et même se sourire. Mais à force de cohabiter, tant bien que mal, ça devient pire. Tu continuais à croire encore que je n'allais pas briser mes chaînes. Bye bye, moi je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye, moi je file, une vie à recommencer. Thank you. Maintenant que tu sens la fin, tu refuses de jeter l'éponge. Et tu essaies de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'y a que toi qui le crois. J'espère que tu ne penses pas juste la rancœur qui te ronge. Mis en travers de ma route ce qui m'a empêché de vivre. Mais tu rages car tu sais bien que j'ai fini par rejeter tous ces obstacles incontournables. Je ne peux plus m'empêcher d'être à nouveau libre. Bye bye, moi je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye, moi je file, une vie à recommencer. Tu vas jusqu'à me provoquer, et chaque mot devient un drame. J'ai ma fierté et mes principes, quel je ne saurais déroger. Et si je cogne dans les murs juste pour te terroriser, tu sais très bien au fond de toi que je ne suis pas pourri dans l'âme. Voilà, je suis sur le départ, j'ai déjà fermé mes valises. Il n'y a plus rien qui me retient, il y a même un amour qui m'appelle. Je t'ai aimé, ça je l'avoue, et même je te trouvais très belle. J'aurais jamais cru que notre vie puisse devenir aussi grise. Bye bye, moi je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye, moi je file, une vie à recommencer. Bye bye, moi je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye, moi je file, une vie à recommencer. Well, I go to in Bristol by the old Virginia line with a sweet kiss for a dream and a brand new spending dime, a brand new spending dime. I had a full bouquet of music, proud in pretty well, sing songs and down from even on the wings of Spickle and Bone, wings of Spickle and Bone. I had a guitar and a fiddle, banjo and mandolin, and all my opened up the door and told me, come on in. He took my ticket, tell me, hold me, bring what it been you do, 'cause I know you dream and brew when you're traveling daylight through, when you're traveling daylight through. And a plane, so I encountered it to land some to will today. A string of fellas sitting on, and the ball of twine is the same old friend. It's a just different time, just different time. We sang song and war, we sang song and peace. We traveling in and boundless, and we traveling on relief. From the hotel gate of Eden to a fire burning door, here no matter where you take it, 'cause it's been there before, it's been there before. Golden hill of mountain, the valley on the plain, somewhere keen and gentle, and some too wild within. A string of fellows sit on hand and ballad train. It's a dream on train, it's a just different day. Same old train, it's a just different day. Precious teaser, such immigrants in Edinburgh, we stand before a new earth for children on the hill. Well, God on forever, and it's so solid proof, and as long as brother Walden got the sins of falls of rest, sins of falls of truth. They came from the old ideas underground at all, from Blackberry and Baltimore, it's sacred holy ground. A string of fellow seat on Hammond loose of butterfly. It's the same old train, just different time. It's the same old train, it's a just different time, just different time. It's the same old train, it's a just different time. Cool.